Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gamozo, comme je le disais à l'instant. Et pour cette édition de ce soir, comme je l'ai annoncé sur la page Facebook de la radio, donc Radio Gamozo, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va continuer à parler de paix comme on le fait régulièrement avec Pierre-Olivier Poyard. Mieux que j'ai avec moi Pierre-Olivier Poyard du Mouvement de la Paix. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir. Et je suis aussi accompagnée, comme je l'avais annoncé, d'un autre invité. Il s'agit du président du Mouvement de la Paix des Vosges, Claude Lotte. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors Claude, on va peut-être commencer par toi, comme tu es un nouvel arrivé à la radio. Alors avant toute chose, bienvenue. Comment ? Bienvenue à la radio. Merci. Et comme tu es nouveau, enfin tu es nouveau au sein de la radio, que les auditeurs ne te connaissent pas encore, je me suis dit que ce serait peut-être bien que tu puisses parler de ton parcours aussi, parce qu'il faut le dire aussi, il y a un certain écart d'âge aussi entre Pierre-Olivier et toi. Vous n'avez pas le même vécu, donc oui. Il y a peut-être une approche intéressante par rapport au mouvement de la paix. Oui, je limiterai, si vous voulez bien, par rapport mon parcours au mouvement de la paix. Le mouvement de la paix a fêté cette année ses 70 ans. C'est un mouvement qui a été à l'origine créé par des anciens combattants de la résistance au nazisme, pour citer Yves Farge, Raymond Braque. Parmi les grands dirigeants du mouvement de la paix au plan national, on peut citer Frédéric Joliot-Curie, notamment. Donc ces militants issus de la résistance ont dit au sortir de la Grande Guerre plus jamais ça. Et c'était pour une partie des communistes, mais il n'y avait pas que des communistes, des gaullistes, des syndicalistes, des catholiques. Et le mouvement de la paix aujourd'hui entend continuer dans cet esprit et rassembler tous les partisans de la paix pour dire non aux guerres. Et puisque nous sommes aujourd'hui au mois d'août, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui s'est passé de tragique en 1945, puisque c'est la première fois en 1945 au mois d'août que les armes nucléaires ont été utilisées par les États-Unis contre le Japon. Rappelons-nous le 6 août 1945, Hiroshima, 140 000 morts sur une population de 350 000 habitants. Nagasaki, 9 août 1945, 74 000 morts sur 240 000 habitants. Et on ne compte là que les morts suite au bombardement. Mais il y a eu des morts, des blessés et des victimes des radiations nucléaires pendant des décennies qui ont suivi ces bombardements atroces. Et le mouvement de la paix a fait l'une de ses préoccupations, l'un de ses objectifs, à savoir la fin des armes nucléaires. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler Oui, on va en reparler pour faire... Vous faites bien de le dire, donc petit sommaire pour les auditeurs qui veulent savoir ce qui va se passer. Pour une fois, j'ai un petit peu organisé l'émission. Donc, on va continuer à présenter Claude. Puis après, on va faire un petit tour autour du conflit israélo-palestinien. Rassurez-vous, Claude, je fais juste un petit sommaire pour les auditeurs. Oui, je sais que vous entendez... Est-ce que vous entendez mieux avec le casque ? Vous m'entendez mieux là ? Oui. Ah super. Donc je disais, petit sommaire, donc finir de présenter le nouvel invité, ensuite parler du conflit israélo-palestinien parce que c'est important, faire un petit tour en Europe pour parler de l'Ukraine bien entendu, et comme vous l'avez dit à la fin, parler du triste anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, et enfin quelques nouvelles pour la fin d'émission, mais on en revient à vous, là vous avez fait un très beau résumé sur le mouvement de la paix et la paix, et enfin pardon, c'est vrai, c'est une première, donc j'ai aussi un petit peu de mal. Donc, toi, Claude, ça fait combien de temps que tu es entré au mouvement de la paix ? Bon, j'ai dit que le mouvement de la paix avait existé en 1948, mais dans les Vosges, les partisans de la paix ne se sont organisés que bien plus tard. Et j'ai été à l'origine, alors que j'habitais à Charmes, en 1983, à mon initiative, a été créé le comité de Charmes du mouvement de la paix. Et ce comité s'est élargi à d'autres personnes que des habitants de Charmes. Nous étions d'ailleurs une petite poignée à l'époque. Et en 1992, le comité de Charmes s'est transformé en un comité départemental, d'où le nom actuel de comité des Vosges du mouvement de la paix. Bon, nous avons eu un certain nombre d'activités, des expositions, des séances de cinéma en partenariat avec la boîte à films à Épinal notamment, et puis également nous avons participé aux différentes manifestations, notamment à l'occasion du conflit israélo-palestinien qui malheureusement dure toujours. Voilà. Donc oui, comme tu le disais, c'est toi qui as créé d'une certaine manière la branche vosgienne du mouvement de la paix. C'est ça, oui. Et du moins l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des Vosgiens partisans de la paix. Et je crois que, comme dans toute la France, la majorité des gens sont pour la paix. Mais le mouvement n'était pas organisé, voilà. Et d'ailleurs, il me semble peut-être l'avoir dit en début d'émission, mais au cas où j'ai oublié, je le rappelle, toi tu es président du mouvement de la paix des Vosges, qui est une association, c'est bien ça ? C'est une association, loi 1901, qui est affiliée au mouvement de la paix nationale, le mouvement de la paix nationale qui est une organisation reconnue d'utilité publique, et le titre exact, j'ai pu d'utilité publique. Oh, une association d'utilité publique, je pense que tout le monde arrivera à situer. Il y en a beaucoup dans cet ordre-là. Et toi, quel a été en fait ton déclic pour t'engager pour la paix ou pour organiser en fait le mouvement de la paix ? Oui, enfin moi, ce qui m'a amené au mouvement de la paix, c'est un peu complexe. Bon, j'ai fait mon service militaire à l'époque, c'était la guerre d'Algérie. Quand je suis rentré de la guerre d'Algérie, un peu vacciné contre les guerres, on peut dire, j'ai milité avec différents enseignants, parce que je suis un enseignant en retraite. J'ai milité avec différentes personnes et mon adhésion au mouvement de la paix. Et puis, bon, quand j'ai dit j'ai adhéré au mouvement de la paix, j'ai voulu qu'il y ait quelque chose dans les Vosges qui se fasse, qui se structure. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et ça a été long à structurer ou les choses se sont faites assez rapidement à partir du moment où les pacifistes savaient vers qui se tourner ? C'est-à-dire qu'à Charmes, nous étions, je ne sais pas, une quinzaine de personnes quoi, au comité de Charmes. Bon... Puis ensuite, la transformation en comité des Vosges en 1992. Bon, on a eu un certain nombre d'activités dans les années qui ont suivi. Et puis, bon, moi, je prenais de l'âge. Et j'avoue, j'ai maintenu la structure. Jusqu'il y a 2 ans de ça, où j'ai fait la connaissance de Pierre-Olivier, qui a manifesté sa volonté, son désir de faire quelque chose pour le mouvement de la paix. Et c'est avec un grand, grand plaisir que j'ai accueilli Pierre-Olivier. Et depuis 2 ans maintenant, on peut dire, nous avons une activité assez soutenue. Voilà. Oui, Pierre-Olivier qui est un porte-parole assez connu maintenant sur nos ondes pour le mouvement de la paix. Donc ça c'est un petit peu ton parcours, Claude. On rappellera en fin d'émission pour les auditeurs intéressés de comment s'engager, comment adhérer à l'association du mouvement de la paix des Vosges. Et on a encore plein d'autres choses à dire et à voir. Et on va peut-être s'écouter une première pause musicale. C'est le morceau Think de Aretha Franklin. Oui, je la prononce à l'anglaise, hein, bac plus 42 d'allemand. Non, pas d'allemand, d'anglais. Donc on s'écoute cette pause et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Sur Radio Gemozo 107FM, vous avez écouté à l'instant le morceau Think de Aretha Franklin, ou aussi tiré du film Les Blues Brothers. Ça y est, je vais y arriver avec l'anglais. Et vous êtes toujours dans l'émission L'Heure des Loups avec Pierre-Olivier Poyard et Claude Lotte du mouvement de la paix des Vosges. Alors, on a présenté en première partie d'émission le président de l'antenne vosgienne du mouvement de la paix. Et maintenant, on va continuer à parler d'actualité comme on a l'habitude de le faire avec Pierre-Olivier, faire un petit point sur la paix dans le monde. Et avant toute chose, comme je l'avais annoncé, Pierre-Olivier, qu'est-ce que tu as à dire en ce moment sur le conflit israélo-palestinien, vu que c'est un conflit qui est pendu aux lèvres du monde entier? Avant de parler d'Israël, je voudrais quand même dire qu'il y a des choses très très positives qui se passent dans le monde au niveau de la paix. Au mois de mai, il y a eu la rencontre de Panmunjom en Corée, entre les responsables de Corée du Sud et de Corée du Nord, qui a été un grand événement pacifiste. Mais il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un fort rapprochement entre les gouvernements d'Érythrée et d'Éthiopie, un rapprochement qui met fin à des dizaines d'années de conflits entre ces deux pays, et ça faisait presque 30 ans qu'ils étaient en conflit. Et donc ce conflit a pris fin très récemment. Donc il y a toujours des possibilités d'espérer au niveau de la paix dans le monde, et la paix progresse, quoi. C'est ce que je voulais dire en premier lieu, ce qui n'est pas le cas en Palestine, en Israël. Parce qu'au mois de juillet, l'Assemblée nationale israélienne a voté une loi qui déclare que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Donc, comme le disent nos amis de l'association France-Palestine Solidarité, c'est une définition qui exclut plus qu'avant encore les Arabes israéliens des mêmes droits par rapport aux Juifs. Et ça inscrit l'État d'Israël comme un État ouvertement d'apartheid, quoi. Apartheid qui a été dénoncée et interdite par les Nations Unies. Et donc, par rapport à cette décision de l'Assemblée nationale israélienne, il y a un certain nombre d'associations juives qui ont protesté. Par exemple, l'Union des progressistes juifs de Belgique, pour n'en citer qu'une, qui a sorti un communiqué « Israël n'est pas notre État ». Et dans lesquels ils ne se reconnaissent pas en tant que membres de l'État Israël, qui mène actuellement une politique coloniale sous la conduite d'un gouvernement d'extrême droite. Une politique très sioniste aussi. C'est le problème du nationalisme. Le sionisme est une forme de nationalisme. Et donc en Israël, on a un gouvernement d'extrême droite depuis quelques années maintenant, sous l'égide de Netanyahou. C'est pas ni pire ni mieux que dans d'autres pays comme en Hongrie, en Pologne, en Turquie, dont on a déjà parlé, ou même en Ukraine, quoi. Oui, on va parler de l'Ukraine dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, mais continue sur l'Israël et la Palestine. Alors, au niveau du mouvement de la paix, donc on est assez proche de l'association France Palestine Solidarité. Et donc avec cette association, on milite pour la libération d'un avocat franco-palestinien qui s'appelle Salah Hamouri. Et je tiens à parler de lui parce que depuis le 23 août 2018, cela fait un an qu'il est en prison en Israël. Et c'est quelque chose d'assez scandaleux et étonnant, contraire à l'état de droit, parce qu'il est en prison absolument sans aucun procès. Et sans être passé devant une quelconque forme de juge. En fait, c'est une rétention administrative, comme ils disent en Israël. Donc cette rétention administrative dure pour Salah Hamouri depuis plus d'un an maintenant. Et c'est excessivement grave, c'est la violation du droit international une nouvelle fois. Et on trouve ça assez triste parce que on a vu que le gouvernement français s'inquiétait pour des citoyens français détenus à l'étranger, par exemple au Maroc. On a vu ça récemment. Et pour Salah Hamouri, qui est détenu en Israël, il n'y a rien qui se passe. Et c'est vraiment pas acceptable. En parlant de personnes retenues, on va dire entre guillemets, illégalement ou sans motif valable, il y en a plein dans le monde. Hein. Bon, j'ai en tête, il me semble, Oleg Sentsov, si je ne me trompe pas, qui n'est peut-être pas retenu pour des raisons très justes. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, oui. Je ne me souviens pas de tous, j'en ai quelques-uns notés, mais il y en a partout dans le monde, en fait. Enfin, Globalement, on est dans une situation, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, les budgets militaires augmentent, un certain nombre d'États dits démocratiques se disent en état de guerre contre la terreur, et donc ils recourent à toutes sortes de mesures qui sont antidémocratiques et policières. Et donc on le voit actuellement en France. Hein. J'ai vu que récemment, une personne que j'étais allé soutenir à Nancy, qui participait aux actions à Bure, a été arrêtée par la police française pour la quatrième fois. Et pour quel motif ? L'Allemagne demande son extradition. Parce que les Allemands le soupçonnent d'avoir participé à des actions en Allemagne. Ce que lui-même, il nie. Hein. Et donc, le gouvernement français serait prêt à l'extrader. Et c'est quoi comme action ? C'est du... Il s'agit de manifestations, je ne sais plus pourquoi, contre l'OTAN, je crois. Donc c'est juste le fait de manifester qui fait que l'Allemagne demande son extradition. Voilà. Non, mais il y a une restriction importante des libertés publiques dans différents pays d'Europe et du monde, quoi. C'est un fait qu'on constate et qu'on déplore. Oui, en effet, on se rend compte qu'en fait les soi-disant droits de l'homme sont en train de régresser même chez nous. Ben, partout, la dernière fois on avait parlé d'Erdogan Kachir qui était retenu en France pareil, de manière administrative, et que le gouvernement français a fait libérer, heureusement, mais voilà, on est dans une forme de régression des droits, effectivement. D'ailleurs, la Turquie avait demandé à ce qu'il soit extradé, c'est ça ? Oui, le gouvernement français s'y est refusé suite à la mobilisation de centaines de personnes contre son extradition en Turquie. Donc il y a quand même des mobilisations qui peuvent fonctionner pour la libération de victimes injustes. D'ailleurs, en Israël, il y avait cette adolescente, Aed Tamimi, qui était retenue, elle a 17 ans. Elle était emprisonnée parce que lors d'une visite de soldats israéliens, elle avait refusé qu'ils rentrent dans sa maison. Et donc elle avait été arrêtée pour ça. Et donc elle était en prison depuis plusieurs mois. Elle a été libérée pendant l'été. Il y avait une grande mobilisation internationale pour sa libération. Et là, elle a été libérée. Oui, donc on n'a pas besoin d'un motif valable, entre guillemets, pour arrêter quelqu'un. Enfin, clairement, c'est bête, c'est sa maison, elle a le droit de refuser à des militaires d'entrer chez elle, non ? Ou c'est dans la politique de... En fait, on est dans une situation où l'arbitraire, l'exception fait loi. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez inquiétant dans un certain nombre de pays. Et effectivement, en France aussi, ça commence à devenir inquiétant. Je comprends, en effet. Oui, parce que nous aussi, comme tu le disais, on est en train de régresser en droit. Avant la pause musicale, tu peux faire un petit peu... tu peux rappeler aux auditeurs dans quelle mesure même nos droits ici sont en train de régresser ? Les mesures par rapport à l'état d'urgence, il y en a un certain nombre qui ont été rendues constitutionnelles. Et donc, il est beaucoup plus facile et courant d'arrêter des militants. Là, en ce moment, il y a quelque chose d'assez choquant, c'est la répression qui s'abat sur les cheminots qui ont été très actifs pour la défense du service public du rail. Et c'est aussi un sujet d'inquiétude pour nous au mouvement de la paix. Parce qu'on ne conçoit pas de paix sans développement, sans réponse aux besoins humains. Et donc, voilà qu'on soit obligé de. Que l'État choisisse. On n'est pas obligé, c'est un choix politique. Que l'État choisisse de demander à la SNCF de fermer des lignes dans les Vosges, par exemple, c'est pas acceptable. Et quand on a des cheminots qui protestent contre ça, j'ai vu que, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l'Aude, et puis ailleurs en France, des cheminots sont convoqués par la SNCF et risquent le licenciement. Il y en a un, les cheminots, ils font ça depuis des dizaines d'années dans leurs manifestations. Il y en a un, il a allumé une torche qu'ils allument toujours quand ils manifestent. Quoi. Ça n'a rien de plus ou moins choquant qu'avant. Et bien là, la SNCF l'a convoqué et elle menace de le licencier. Il me semble aussi qu'il y a plusieurs années, en 2010 je crois, mais bon ça commence à remonter, tu pourras me confirmer ou me dire si je me trompe, il n'y avait pas une forme de manifestation où il suffisait de s'asseoir devant un lieu et de lire tranquillement. Et encore une fois je te dis ça remonte et il y a des gens qui ont été arrêtés juste pour ça, parce qu'ils manifestaient tranquillement avec leurs bouquins. Oui, ça c'était à l'époque, c'était sous Sarkozy, parce que Sarkozy avait dit qu'il aimait pas la princesse de Clèves. Donc il y avait des gens qui prenaient la princesse de Clèves et qui lisaient la princesse de Clèves dans la rue. Mais ouais, c'est un peu anecdotique, mais en tout cas, effectivement. Et puis bon, on l'a vu aussi pendant l'été, ce qui s'est passé par rapport à l'affaire Benalla. Oui. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que dans notre pays, il y avait un certain nombre de personnes qui n'étaient pas choquées qu'on s'en prenne à des manifestants. En fait, le fait même de manifester pour une partie de la population, et suite à cette propagande et puis à ce recul des droits, est vu comme une forme de d'action démocratique qui n'est plus valable, quoi. Et même une partie de la population, ça ne la choque pas. En parlant d'Alexandre Benalla, alors on ne va pas revenir sur son cas à lui, mais sur tout le battage médiatique qu'il y a eu autour, tu sais, tout le scandale, et tu parles aussi de régression de droit, après tu peux peut-être dire si tu es du même avis que moi, mais on fait aussi reculer nos droits. Enfin non, c'est pas ça, c'est on profite du battage médiatique de certaines choses pour faire reculer nos droits, par exemple la Coupe du Monde de football par rapport à la régression de la limitation de vitesse. Alors je me souviens très bien, les gens n'étaient pas contents, du moins sur internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde manifestait, il y avait des 80 barrés sur les voitures, et la France a gagné, et puis je crois la loi est passée comme une lettre à la poste. Oui, ça c'était quand même pas le sujet le plus important, la limitation. En tout cas, non, ça, c'est mon avis. Non, mais je veux dire, c'est qu'un exemple. Bah, en même temps, à l'Assemblée et au Sénat, il est en discussion une réforme constitutionnelle qui vise à diminuer d'un tiers le nombre de représentants de députés et de sénateurs. Ça, je trouve ça beaucoup plus inquiétant, quoi. Parce qu'en fait, l'idée de la part du gouvernement, c'est de diminuer le nombre d'élus qui vont travailler pour faire passer des lois et de renforcer le pouvoir exécutif. On est dans une forme de recul démocratique, y compris avec la modification de la Constitution, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Oui, et en fait... c'est plutôt ça qu'on voit, quoi. C'est vraiment globalement un recul des droits manifestés, des droits politiques, et puis des droits sociaux, quoi. Comme ce qui arrive aux cheminots à la SNCF, c'est un recul global des droits. Oui, on vit un recul global des droits, mais ça ne nous empêche pas de continuer de manifester notre désaccord. Et s'il y a un groupe qui continue de manifester son désaccord et d'être là, c'est le groupe Yorum. On va passer à un nouveau morceau du groupe Yorum, hein, le morceau Boumaale Bizim, si je le prononce bien. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Thank you. not hard. You actually make me feel de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Boumahale Bizim du groupe Yorum et on est toujours avec Pierre-Olivier Poyard et Claude Lotte du mouvement de la paix des Vosges et on a parlé juste avant la pause musicale du conflit israélo-palestinien. Donc on va prendre un petit avion mental, on va se diriger un petit peu plus vers l'Europe cette fois, ou même pas un petit peu plus, on va parler de l'Ukraine en effet. Il me semble que tu m'as fait comprendre hors antenne, Pierre-Olivier, que ce dont je veux te parler a un lien avec l'actualité, si je ne me trompe pas. Alors, je voulais qu'on fasse un petit point sur la Crimée, la Crimée qui a été annexée il y a 4 ans par la Russie, début d'année, je crois, entre février et mars, si je ne me trompe pas. Ça avait mis la paix en danger à ce moment-là, non ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme on le dit à chaque fois, on est dans une situation où les gouvernements dont les pays sont membres de l'OTAN augmentent très fortement leur budget militaire. Donc l'année prochaine, le budget militaire de la France va augmenter de 10 milliards d'euros, celui des États-Unis de 76 milliards de dollars. Et donc pour justifier ces augmentations militaires, le développement de ce que le président Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, eh ben on nous présente la Russie comme l'ennemi, le danger. La Russie et la Chine. Et souvent, donc, on nous présente les événements qui peuvent arriver en Europe comme produits de l'agressivité des Russes. Voilà. Et ce qui s'est passé en Ukraine est assez révélateur. En fait, l'Ukraine a une histoire au XXe siècle très très dure. En Ukraine, dans les années 10-20, il y a une très forte guerre civile. Et c'est d'ailleurs en Ukraine qu'en 1919 sont intervenus les soldats français. Dans la guerre qui était menée par les Français, les Britanniques, les Américains et leurs alliés contre les révolutionnaires bolcheviques. Et il y a eu aussi la guerre civile entre différents courants politiques. Alors il y a bien sûr celle qu'on connaît bien entre les anarchistes et les bolcheviques. Mais il y avait aussi un courant social-démocrate très fort et un courant nationaliste aussi en Ukraine. Ce courant nationaliste a été très fortement attisé dans les années 20 et 30, parce que suite à l'invasion polonaise, une partie de l'Ukraine, qu'on appelait l'Ukraine polonaise, n'était pas sous possession une possession de l'Ukraine en tant que telle, mais était sous domination polonaise. Donc dans cette Ukraine polonaise, en fait, l'idéologie antisémite du gouvernement polonais de l'époque, qui était dirigé par un militaire qui s'appelait Pilsudski, qui avait mis en place un régime antisémite et de fait allié aux nazis dans les années 30. Donc ils ont développé toute une idéologie antisémite et anti-communiste. Et donc quand les soviétiques sont arrivés au milieu des années 40, il y a eu une guérilla qui a été menée par un homme qui s'appelait Stepan Bandera, qu'on a appelé ensuite les banderistes, qui était pro-nazi et qui avait une idéologie d'extrême droite, et qui ont continué à se battre jusqu'au milieu des années 50. Du milieu des années 40 au milieu des années 50, il y avait des attentats contre le gouvernement ukrainien de l'époque, qui est organisé par ces organisations d'extrême droite. Et donc, surtout dans l'Ukraine, l'ancienne Ukraine polonaise, et la ville principale, c'est Lvov. Et donc, en 1991, quand s'est développé le nationalisme ukrainien, c'est à partir de cette Ukraine de l'Ouest que s'est développée toute une idéologie nostalgique du nazisme, néo-nazi. Et donc en 1991, par exemple, il y a la création du parti social-nationaliste d'Ukraine par des hommes comme Andrei Paroubi. Et ce parti social-nationaliste, oui, les mots étaient inversés, mais en fait, c'est des nazis. Ah oui, national-socialiste. Social-nationaliste, ouais, c'est des nazis en fait. Oui. C'est des gens dont le symbole est le double S, des gens qui ont des milices armées et qui s'en prennent aux juifs, aux homosexuels et à tous les progressistes en général. Donc ce parti a été renommé Sloboda en 2004, qui veut dire liberté. Ah, je croyais que ça avait un lien avec Slobodan Milosevic. Non, aucun rapport. Bon, si, ça a peut-être un lien, je ne sais pas. Qui sait ? En tout, je ne sais pas, je ne connais pas le serbo-croate. Et donc, Sloboda, en 2004, c'est le parti Liberté, donc c'est un oxymore. Et en 2014, ces gens-là ont été très très actifs dans ce qu'on a appelé la révolution ukrainienne, mais qui était en fait une forme de réaction très violente, qu'on a appelé les événements donc, de la place Maïdan, l'Euromaïdan. Ce mouvement qui a entraîné une partie de la population, en fait de fait minoritaire, a conduit aux événements donc, de 2014 qui ont fait une centaine de morts. Mais en fait, suite à l'enquête de différents journalistes, ces événements qui sont attribués par les Américains, ces meurtres qui sont attribués par les Américains au service de police du président Yanukovych, on se rend compte qu'il est possible, voire très sérieusement possible, qu'il soit attribuable aux personnes qui étaient chargées de la sécurité des manifestations pendant ce mouvement Euromaïdan. Et ces personnes étaient membres du parti Sloboda, parti d'extrême droite. Et en fait, d'après des documentaires qui sont passés sur la télévision allemande, donc les personnes dans les manifestations auraient été assassinées en tirées dans le dos. Et par les personnes qui étaient soi-disant chargées de leur sécurité. Et c'est suite à ces événements dramatiques que le gouvernement Yanukovych est tombé. Et il y a notamment eu d'autres événements en mai, des événements très graves, puisque 50 personnes ont été brûlées vives dans la maison des syndicats d'Odessa. Et sur tous ces événements très graves, il n'y a jamais eu de lumière qui a été faite, parce que la personne qui, les personnes qui contrôlent depuis 2014 le ministère de la Justice en Ukraine sont les gens du parti Sloboda. Donc la lumière n'a pas été faite, on a des soupçons, quoique la version américaine est totalement contraire. Et pourquoi la version américaine est totalement contraire? Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui l'Ukraine sont des gens qui ne sont pas forcément ukrainiens. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Andrei Paroubi, donc c'est pas cette personne-là que je pense, parce que lui, il est ukrainien. Donc il a fondé le Parti Social-Nationaliste d'Ukraine en 1991, le Parti Sloboda en 2004. Il est aujourd'hui président de la Rada suprême, qui est l'Assemblée en Ukraine. L'Assemblée ukrainienne est dirigée par un ancien néo-nazi. Ils ont un ancien, on peut dire un néo-nazi. Il y a des photos très récentes qui le montrent en train de matraquer des manifestants. Donc oui, on peut dire qu'il n'a pas trop changé là-dessus. Et donc, c'est lui qui est à la tête du Parlement ukrainien. Ce qui est vraiment très, très étonnant, c'est quand cette personne est reçue en grande pompe par Gérard Larcher et François de Rugy. Ce qui a été le cas il y a quelques mois en France. Donc là, j'ai les photos sous les yeux où il est avec Gérard Larcher et François de Rugy. Donc, ils reçoivent un néo-nazi patenté donc, dans les palais de la République. Et ça, on en parle très peu. Voilà, et l'Ukraine aujourd'hui, donc c'est un pays où sévissent des organisations de volontaires paramilitaires qui sont des organisations néo-nazies, comme le bataillon Azov, dont le symbole est 2S. Hein. C'est des gens qui ne se cachent pas, c'est tout, ça, tout ça peut être facilement su. Bon, ce qui est un peu étrange, c'est que récemment, on a appris qu'ils étaient armés par des entreprises d'armement israéliennes. Donc des antisémites qui sont armés par des entreprises israéliennes, chose un peu étonnante. Oui, c'est un bataillon qui était engagé dans la guerre civile qui a eu lieu en Ukraine. Parce qu'en 2014, le nouveau gouvernement, donc composé de néo-nazis, s'est mis au service de l'OTAN. Et donc, remarque intéressante, le gouverneur d'Odessa, je ne sais pas s'il est toujours en poste, je crois qu'il a été démis de ses fonctions, mais il a été gouverneur d'Odessa pendant 4 ans, ce n'est pas un Ukrainien, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ceux qui dirigent l'Ukraine ne sont pas forcément des Ukrainiens. Donc c'était Mikhail Saakashvili, qui a été, suite à une politique anti-russe, a été l'un des déclencheurs d'une guerre russo-ukrainienne au début des années 2010. Et donc cet homme-là a quitté la Géorgie. Bon, il y avait aussi des affaires de corruption très très fortes à Géorgie sous son pouvoir. Et il est fini gouverneur d'Odessa. Pareil, la ministre de la Santé, qui s'appelle Oulana Souproun, Elle est nationalité américaine. Et lors des dernières présidentielles américaines, d'ailleurs, Poroshenko a donné 5 millions pour la campagne d'Hillary Clinton. Poroshenko, qui est le président... Oui, c'est le président ukrainien, effectivement. Alors, le président ukrainien, il faut savoir qu'actuellement, la situation économique en Ukraine est très, très mauvaise. Entre 7 et 10 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine ces dernières années. Oui, c'est beaucoup. Oui, ce qui fait... Donc, ils ont quitté l'Ukraine, ils sont partis notamment en Russie, mais ils sont aussi partis dans les pays occidentaux. C'est une véritable fuite de l'Ukraine. Je parlais tout à l'heure de l'antisémitisme. Il y a, par exemple, beaucoup de citoyens de confession juive qui ont dû quitter l'Ukraine parce que ces organisations néo-nazies commettent des crimes antisémites. Ils s'en prennent aussi aux personnes, aux minorités sexuelles aussi. Qui sont victimes de toutes sortes de crimes. Mais c'est quelque chose qui est soutenu par les Américains, parce que les Américains ont de forts intérêts économiques maintenant en Ukraine. Voilà. Et donc, c'est vraiment une situation vraiment très, très importante, parce que l'Ukraine, c'est maintenant la tête de pont de l'OTAN pour dans ses actions belliqueuses vis-à-vis de la Russie. Alors il faut comprendre l'annexion. Oui, on peut dire annexion, mais ce qui s'est passé en Crimée, bon, alors après, l'ONU ne l'a pas reconnu comme quelque chose de bien, mais il y a eu un référendum en Crimée, et la majorité des Criméens se sont prononcés, vu les désordres politiques qu'il y avait en Ukraine, pour leur attachement à la Russie. Donc là, c'est carrément la fuite d'une région entière. Bah, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre, quoi. C'est pas ce qu'on va entendre dans ce que j'appelle moi une forme de propagande anti-russe, mais oui, on peut dire que c'est toute une région entière qui a préféré être rattachée à la Russie que d'être rattachée à l'Ukraine sous contrôle d'un gouvernement de néo-nazis et puis de gens extrêmement corrompus, parce que Poroshenko, qui a été, son nom a été cité dans l'affaire des Panama Papers, par exemple, parce qu'il a des comptes à l'étranger. Et puis il est par exemple propriétaire d'une société qui s'appelle Roshenko. C'est une chaîne de magasins. Et ben il y en avait un en 2014, aujourd'hui il y en a 17. En fait, c'est la fusion entre l'État et des intérêts mafieux. Et puis les personnes qui protestent, qui s'opposent à ce gouvernement, sont soit envoyés en prison, soit tabassés dans les rues par les groupes fascistes. Donc, bien sûr, le Parti communiste a été interdit, mais comme plein d'autres partis démocratiques. Et la situation est extrêmement, extrêmement grave, hein. La population vit une véritable crise économique. L'Ukraine fait partie des 10 pays qui consacrent la plus forte proportion de leurs revenus à l'alimentation, 38%. Selon une source qui ne peut pas être taxée de pro-russe, parce que c'est le ministère américain de l'Agriculture. La dette, maintenant, c'est 64 milliards de dollars, le double du budget de l'État ukrainien. Parce que ces gens-là, les gens qui dirigent actuellement l'Ukraine, qui sont des oligarques, mettent le pays en coupe réglée, mais pour leur propre profit. Ouais. Donc la situation économique est vraiment dramatique, quoi. Et voilà, les hôpitaux ont fermé, la population vit dans la misère. Un médecin en Ukraine gagne 10 fois moins qu'en Pologne, par exemple. 45 fois moins qu'en Allemagne. C'est énorme. Ben là, là, c'est même la situation de l'Ukraine qui... Enfin, l'Ukraine est tellement en crise que ça risque de péter à tout moment. Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à... C'est bête, hein, mais à 1933, l'Allemagne qui était littéralement à genoux. Là, c'est l'Ukraine qui va se retrouver à genoux, et là... Sauf qu'on est après 1933, parce que des néo-nazis et des fascistes sont actuellement au pouvoir en Ukraine, quoi. Et ces gens-là seront donc reçus par le gouvernement français, soutenus par les Américains. Parce qu'on est dans une situation de préparation de guerre avec la Russie, ce que nous, au mouvement de la paix, on ne peut pas accepter. Ce qui se comprend entièrement, toutes ces alliances, tous ces faux semblants, toutes ces fausses amitiés ne sont pas acceptables. Et d'ailleurs, c'est le titre de la dernière pause musicale. Ils sont amis de Duval MC que tu m'as proposé, Pierre-Olivier, qu'on va s'écouter pour la dernière partie de l'émission. On va peut-être dépasser un peu. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Charles de Gaulle, président d'une puissante nation, membre de l'OTAN en 1958. Je t'explique le contexte. Les vagues d'indépendance me vexent. Alors avant de dire ciao à nos colonies, on leur patche une dette pour des décennies. Et pour chaque trône, chaque poste, chaque pays, on place avec les armes nos charmants amis. Des pourritures au régime sanguinaire nous assurent le contrôle des matières premières. Et dès qu'un leader d'opinion émerge, nos mercenaires s'en chargent. Saviez-vous qu'au Cameroun, on a brûlé au napalm des centaines de milliers d'enfants, d'hommes et de femmes? Shoah made in France, Elf Finance. Qui connaît ce passage de l'histoire de France? 7 ans plus tard, nos commandos para, des vieux casseurs de viettes avec l'armée d'oufouette, veulent braquer aux Anglais un petit bout de Nigeria. Bilan, 2 millions de morts au Biafra. Je suis l'homme que Renaud nommait Tonton. Je suis de la mafia Quimfri, mais pas celle de Rimka. Je suis François Mitterrand, j'ai des relations. Des calepins remplis d'Africains francs-maçons. Près de chaque ambassade d'influents collègues. Plus inspiré par Goebbels que par Johnny Clegg. Un commando secret direct à ma botte. Un pouvoir qu'aucun député ne vote. J'ai fait putcher des potes, des coups d'état de despotes. Brisant des pays comme des biscottes. Mon parti comme les autres a fait grassement la fête. Sur le compte de la 10e fortune de la planète. Le respectable Mobutu. Que c'est tombé tuerie. Mon ami Juvenal Abiarimana parle mieux le français que Roland Dumas. Une qualité que j'aime, donc j'assiste. 21 ans de régime ouvertement raciste, attisant une haine anti-Tutsi. Instauré par les colons d'un Rwanda sans ethnie. Un Falcon en cadeau, ça vous étonne? J'ai envoyé là-bas nos meilleurs hommes défendre une fausse démocratie sordide et former les futurs auteurs du génocide. Reste certaines périphéries qui doivent être nettoyées sérieusement par les forces armées rwandaises à l'aide de la population. Ils sont assez tombés tueries. Ils sont assez tombés tueries. Ils sont assez. Et c'était un extrait du morceau Ils sont amis de Duval MC. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'écouter en entier. Vous le trouvez aisément sur internet. Vous êtes toujours avec Lou, bien entendu, pour l'émission L'heure des loups, avec Pierre-Olivier et Claude pour le mouvement de la paix. Pierre-Olivier, il me semble que le choix de la musique, comme les autres, bien entendu, mais cette musique-là, c'est pas tout à fait anodin comme choix. Non, c'est Duval MC avec qui j'ai travaillé. Au lycée agricole, et en fait c'est une chanson extrêmement intéressante parce que elle est issue de son travail de recherche sur ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc là on passe à un autre continent, on aura fait tous les continents du monde, c'est bien. Oui, presque, et il manque l'Australie. Oui, quasiment, oui. Et non, mais on en parlera peut-être une autre fois de la France-Afrique. C'est un sujet qui nous tient à cœur aussi, mais bon, vu le temps, on en reparlera, je pense, lors d'une autre émission. Mais avec plaisir. Donc là, oui, c'était pour parler de la France-Afrique et peut-être aussi des massacres qu'il y a eu en Afrique. Et c'est pas parce que la France a pris les armes qu'ils sont pas collabos pour autant. En fait, ça va encore beaucoup plus loin. Le gouvernement de Gaulle au Biafra, l'Élysée, le secrétariat de l'Élysée, qui était à l'époque dirigé par Hubert Védrine, sous l'époque de Mitterrand au Rwanda, et puis pareil, Jacques Chirac et son implication dans la guerre des Congos en 99. Voilà, ça c'est l'implication des présidents français dans un certain nombre de guerres civiles et de massacres en Afrique. Donc comme ça, on aura fait la bande-annonce de la prochaine émission qu'on fera avec toi, Pierre-Olivier. C'est bien noté de parler de la France-Afrique, mais s'il y a autre chose qu'il faudrait peut-être qu'on parle, c'est un bien triste anniversaire. En effet, le 6 et le 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés. Et c'est, comme tu le disais, Claude, plus tôt dans l'émission, la première fois que la bombe H, c'est bien la bombe H, a été... c'est la bombe atomique. C'est la bombe A. La bombe, ah, je les confonds un petit peu. Donc c'est la première fois que la bombe atomique a été utilisée sur des populations. Donc Claude, tu as préparé quelque chose à ce sujet, il me semble. Oui, oui. C'est le thème de l'armement atomique, des bombes atomiques, est un des thèmes prioritaires au moment de la paix. Hiroshima, Nagasaki restent dans toutes les mémoires. L'arme atomique venait de faire ses preuves et malgré les efforts de ses opposants, cette arme de destruction massive est considérée comme l'instrument inégalé de la puissance. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire. USA, la Russie, ex-URSS, l'Angleterre, la France, qui s'en est dotée en 1960, Israël, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes actuelles sont 100 fois, voire 1000 fois plus puissantes que celles utilisées en 1945. Donc, Les dernières choses que je voudrais dire là, à ce sujet-là, parce que les opposants à l'arme nucléaire se sont manifestés depuis le début. Il y a quand même eu un certain nombre de progrès, mais qui se heurtent à une certaine hypocrisie de la part des puissances qui ont l'arme nucléaire. Ainsi, de 1968 à 1970, un traité a été adopté à l'ONU, qui s'appelle le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Il a été signé par tous les États, sauf 3 à l'époque, l'Inde, le Pakistan et Israël. En 2017, pour faire un bond en avant, à l'ONU, et le 7 juillet, pour être précis, a été adopté par l'ONU le TIAN. Traité d'interdiction de l'arme nucléaire. 122 pays ont participé à la rédaction de ce traité. Mais la France et les 9 puissances que j'ai citées tout à l'heure n'ont pas participé à cette rédaction et refusent toujours de s'y associer. Alors que la France a ratifié les traités concernant les armes chimiques ou bactériologiques, elle refuse encore aujourd'hui de s'associer au TIAN, traité d'interdiction des armes nucléaires. Et c'est une des campagnes que mène actuellement le mouvement de la paix, campagne pour la ratification par la France du TIAN. Et il y a des pétitions qui sont en cours et qui seront mise en avant dans nos prochaines manifestations. Les manifestations, on va en parler dans quelques instants. Mais comme tu le disais, Claude, donc cette ratification du TIAN, ou moi je l'ai dit tiens, parce que les auditeurs qui suivent un petit peu ont l'habitude, hein, on a déjà traité le sujet plus d'une fois. C'est vraiment aussi dans le cadre de faire que le monde soit plus en paix, parce que Tu m'arrêteras peut-être si je me trompe, que ces pays aient l'arme nucléaire, c'est presque un petit peu comme un début de guerre froide, de dire voilà, moi j'ai la bombe, donc tu m'attaques pas. Voilà. Mais c'est bien ça. Maintenant, il y a beaucoup de raisons qui nous font militer contre l'arme nucléaire et pour l'interdiction de l'arme nucléaire. Les raisons d'éthique, les raisons purement économiques également, car le pays et les différents pays ont besoin d'infirmières, d'enseignants, de médecins, de services publics à la hauteur. Et quand le gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens et que dans le même temps, il vote une loi de programmation militaire qui prévoit 37 milliards sur 6 ans pour renouveler et moderniser notre arsenal nucléaire. Alors nous pensons que ces 37 milliards seraient mieux utilisés à des fins plus pacifiques. En effet, comme le disait Duval MC dans une autre de ses chansons, une bombe nucléaire coûte 3 hôpitaux, si je ne me trompe pas, ça fait un moment que je ne l'ai pas écoutée. Mais voilà, tout le monde a différentes manières de manifester. Hein, Duval MC, c'est à travers ses textes bien tranchants. Et comme on le disait, hein, maintenant il est 19h, donc il va tout doucement falloir s'approcher de la conclusion. Donc c'est le moment de parler des rassemblements à venir. Oui, au niveau des Vosges, on prépare une manifestation le dimanche 23 septembre, 11h, place des Vosges à Épinal. Donc le dimanche 23 septembre, 11h, place des Vosges à Épinal. Donc c'est à l'appel du collectif En Marche pour la Paix au niveau national, qui est coordonné par le Mouvement de la Paix. Donc dans ce collectif En Marche pour la Paix, il y a 150 organisations. Des partis politiques, des syndicats, bah, par exemple la CGT, la Fédération syndicale unitaire, solidaire, des associations comme ATTAC, l'association des chômeurs à Pace, les associations de solidarité avec différents pays. Il y a bien sûr l'ARAC, notre partenaire dans les Vosges, l'association républicaine des anciens combattants. Il y a la fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. Voilà, il y en a plein. C'est disponible, la liste est disponible sur le site national du Mouvement de la Paix, www.mvtpaix.org. Et voilà, ça c'est pour les manifestations. Et pour rappeler aux auditeurs, s'ils ont peut-être envie, alors ou de s'engager, ou c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, ou de s'abonner au journal, vu que le Mouvement de la Paix fait un journal, je crois que c'est 10 euros l'année l'abonnement, c'est ça ? Oui, on a... un bulletin, disons. Ouais, un bulletin d'information, oui, qu'on tire tous les deux mois. On a décidé de le faire tous les deux mois. Et donc, on appelle à l'abonnement. Donc, on a lancé ça au début de l'année. On a à peu près 70 abonnés. Donc, ça se développe bien. Mais bien sûr, on est preneur de tous les soutiens et tous les abonnements qui viennent. Donc, allez-y, abonnez-vous. Et comment s'abonner ? Il faut nous envoyer un mail. Donc je peux donner mon adresse personnelle, pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr. pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr. Donc ça c'est pour ceux qui veulent obtenir le bulletin, et pour devenir bénévole, pour adhérer au Mouvement de la Paix des Vosges, ça passe par la même boîte mail ? Oui, je pourrais donner aussi une autre adresse. On a fait une adresse sur Gmail, Vosges pour la Paix, tout attaché, c'est le nom du bulletin, @gmail.com. Donc c'est bien noté, je suis en train de l'écrire en même temps pour le rappeler aux auditeurs, et ça c'est pour les informations qu'il nous manquait pour l'émission. Et en effet, hein, l'émission touche maintenant hélas à sa fin, et donc comme c'est le moment d'arriver à la fin, ça va déjà être l'heure de faire la programmation de la soirée et de se dire au revoir. Donc à 20h on retrouve François pour son calendrier des esclavages et des libérations, puis de minuit à 1h rediffusion de La Bulle de Lia qui a parlé d'escalade. Donc amateurs de grimpe, manifestez-vous cette nuit, ou sinon allez regarder dans les podcasts et je vous explique dans quelques instants comment ça se passe. Sinon, demain matin, 7h-8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie des minutes bonheur de l'IA pour la rentrée. Et enfin, 8h30, la matinale de Marion. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin pour le podcast, hein, n'attendez pas ou n'ayez pas peur, pardon, je m'emmène les pinceaux, il commence à se faire tard. Donc l'émission sera en podcast sur la page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, l'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordi, smartphone, peu importe le système d'exploitation, tout fonctionne. Et sinon, on se retrouve demain soir 18h-19h pour parler d'une association d'artistes, hein, les artisans de Plombières ou la source des artisans, en effet il y a deux noms, mais on va parler d'un collectif d'artistes, donc ça c'est le thème de demain soir. Pierre-Olivier, Claude, merci beaucoup pour votre présence, pour vos informations, c'était très précieux, et merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi l'émission, je suis toujours très contente de faire ça pour vous. En tout cas, bah, voilà, merci à vous, merci à toi Claude pour ta première venue, c'était très très agréable de faire cette émission avec toi. Et sinon, chers auditeurs, je ne vous retiens pas plus longtemps. Alors on se dit rendez-vous demain, même heure, sur Radio Guémozo. Bonne soirée à tous.